Session de bénédiction d'octobre 2021. Donc, je vous salue. Et puis, si ça vous intéresse, dans les prochaines minutes, je vous propose de vous joindre à moi pour participer à une session de bénédiction. Donc, je vous suggère de vous asseoir confortablement dans un lieu où vous savez que vous allez pouvoir rester dans le calme et la paix lors de les prochaines minutes. Ensuite, je vous suggère d'être dans un endroit avec une lumière tamisée ou faible et également fermer les yeux pour favoriser un état de contact avec son intériorité, donc un état d'intériorisation. Une fois que vous êtes installé confortablement, eh bien, ça va être le moment de débuter cette session de bénédiction. Donc, bénir ici, je l'entends dans le sens de procéder en utilisant la puissance de la volonté à des investissements énergétiques par rapport à certaines choses. Donc, en s'appuyant sur le principe que la pensée a de l'impact sur le corps biologique, les événements, les situations, même les objets physiques, parce que tout est interrelié, tout ce qu'on perçoit dans notre environnement et également à l'intérieur de soi, dans nos cellules, est composé d'énergie. Donc, il s'agit ici de canaliser consciemment l'énergie en l'orientant à partir de notre volonté personnelle pour l'utiliser pour favoriser la manifestation de certaines choses et également générer des états de bien-être d'une manière consciente. Parfois, l'énergie et la conscience réflexive peut nous desservir. Donc, la volonté peut être utilisée consciemment pour harmoniser certaines choses. Et il faut réaliser que la pensée a beaucoup d'impact. Donc, le travail de bénédiction se fait à partir de l'utilisation et la mobilisation consciente de la puissance de la pensée qui est orientée par la volonté, parce que la pensée peut, par exemple, amener quelqu'un qui a à faire un examen, à ne pas dormir la nuit qui va précéder le moment de la réalisation de l'examen, parce que la personne va vivre du stress. Donc, quelqu'un qui vit de l'anxiété de performance sur le plan scolaire, la personne est assujettie par une pensée qui, par exemple, va l'amener à vouloir avoir un bon résultat à l'examen, et cette pensée-là peut l'amener à la personne à ne pas dormir la veille de l'examen parce qu'elle est sous tension, elle est stressée, elle s'inflige elle-même une tension en vue d'une performance que représente l'examen. Donc, ça m'est déjà arrivé dans le passé et peut-être c'est le cas pour certains d'entre vous. Et il faut réaliser que la pensée peut être utilisée consciemment par la conscience pour se faire du bien, se détendre. Donc, si la pensée a le pouvoir de générer une tension, par exemple, le stress qui va être présent la veille d'un examen, ou la veille d'une entrevue d'embauche pour un emploi qu'on juge comme étant important, eh bien, la même énergie peut être mobilisée consciemment pour nous détendre, nous apporter un état de bien-être, de bonheur, et à la lumière de la compréhension de la physique quantique qui part du principe que la réalité est composée d'un champ quantique d'énergie et que nous ne sommes pas séparés des autres. C'est d'abord abordé dans la philosophie jovialiste il y a plusieurs décennies, ce principe. Donc, bien que nous sommes différents des autres, nous ne sommes séparés de rien. Eh bien, en s'appuyant sur ces postulats, il est possible de bénir, d'utiliser la volonté pour agir à distance sur certaines situations, certains événements. Et l'univers, fondamentalement, qui est un système d'énergie qui est constitué par la conscience, où elle se déploie. Donc, ceci dit, nous allons à présent débuter à proprement dit cette session de bénédiction. Donc, j'espère que vous êtes assis confortablement maintenant et disposés à vous intérioriser pour cette activité particulière. Donc, tout d'abord, je me permets de bénir la présence à cette activité pour que ma conscience puisse amplifier d'une manière volontairement consciente toutes les affirmations qui ont de l'impact sur la réalité dans le but de me favoriser, de m'avantager. Car si j'attends que les autres ou la société m'avantagent, ou que j'attends que les médias me disent des bonnes nouvelles qui vont me faire plaisir et qu'ils véhiculent une vibration harmonisatrice qui permet l'élévation de la conscience, eh bien, je risque d'attendre longtemps. Donc, tout d'abord, bien entendu, je vous remercie à présent d'être présent à ce moment présent. Donc, nous pouvons constituer ensemble un égrégore, un champ d'énergie de bénédiction auquel nous pouvons nous relier. Et bien entendu, je bénis toutes les personnes maintenant qui acceptent que je les bénis, que je les investis d'énergie. Et par la suite, je vais bénir ma santé pour qu'elle soit florissante. Je bénis présentement l'harmonisation de mes deux hémisphères cérébraux, c'est-à-dire celui gauche et celui droit, pour que ces hémisphères, ces parties de mon cerveau, travaillent dans un état unitaire par rapport à mon être global qui est une structure énergétique multidimensionnelle. Ensuite, je bénis ma capacité intellectuelle d'apprendre, de comprendre, de m'approprier des informations avec simplicité, clarté, rapidité également. Je bénis, en plus de mon cerveau, bien entendu, mes yeux, pour qu'ils soient capables de voir le réel derrière les événements. Je bénis ma capacité de perception multidimensionnelle, c'est-à-dire ma capacité de percevoir les gens, les situations, sur le plan de l'énergie pure, tout en bénissant ma capacité de discernement pour savoir rapidement et avec simplicité quels sont les individus qui sont mes alliés psychiques, qui sont les amis de mon essence, pour pouvoir entrer rapidement en contact avec ces gens sur la même longueur d'onde lorsque j'ai à réaliser quelque chose. Donc, avoir la vibration, par exemple, de l'endroit où aller en voyage, aller en restaurant, pour que ce soit un lieu qui participe à me revitaliser, à me permettre de me sentir bien, à être heureux. Je bénis fondamentalement ma capacité de voir clair dans l'existence. Je bénis ensuite ma parole pour qu'elle soit porteuse de l'énergie étrique, c'est-à-dire l'énergie de mon être, de ce que je suis, par-delà le plan biologique, donc ce que je suis sur le plan intégral et multidimensionnel, car derrière la structure biologique qui est d'énergie densifiée, eh bien, il y a l'énergie primordiale de mon être qui existe par-delà l'enveloppe physique. Donc, autrement dit, je bénis le champ d'énergie qui sous-tend ma structure physique pour qu'il soit porteur de vitalité, porteur d'une présence revitalisante, porteur d'un état de bonheur. Je bénis ensuite ma parole pour que, au fil du temps, elle soit de plus en plus porteuse d'une énergie revitalisante, porteuse du verbe qui se manifeste pour insuffler dans mon environnement, lorsque j'en ai la vibration, une parole porteuse d'intelligence. Je bénis donc mon intelligence. Je bénis aussi la capacité à aimer. Je bénis la capacité à me respecter, à m'aimer, à être capable de manifester de l'amour par rapport à des gens de mon environnement. Un amour réel et un amour aussi lucide, c'est-à-dire un amour qui me permet de faire preuve de générosité envers autrui, tout en permettant une grande générosité envers moi-même. Ensuite, je bénis l'équilibre de mon champ énergétique. Je bénis la santé de ma structure biologique. Je bénis également la puissance de ma parole pour qu'elle me permette de pénétrer des champs de réalité de plus en plus vastes et d'élargir ma conscience. Je bénis la parole pour amplifier sa puissance de manière à ce que lorsque je parle d'une manière consciente, je me donne à savoir des informations qui vont participer à élargir le champ de ma conscience et de la charger et vitaliser d'une énergie nouvelle. Je donne la capacité à ma parole de revitaliser mon aura, ma structure énergétique primordiale de par l'énergie qu'elle véhicule. Ensuite, je vais bénir mon cœur pour qu'il batte à un rythme adéquat, qui est régulier. Je bénis la circulation du sang dans mes veines qui part de mon cœur pour que le sang soit porteuse d'une énergie vitalisante, régénératrice. Je bénis la fluidité de la circulation sanguine dans les différentes artères qui se rapportent à mon corps biologique. Je bénis ensuite mon système nerveux pour qu'il soit capable d'intégrer des charges d'énergie se rapportant à mes interactions avec mon environnement de manière adéquate. Je bénis sa capacité d'absorption des charges énergétiques. Ensuite, en relation avec le système nerveux, je bénis donc mon centre de gravité permanent. Je bénis la constitution d'un noyau d'énergie au cœur de mon être qui est un point de référence à partir duquel je peux me référer pour me trouver rapidement dans un état de stabilité psychique qui me permet de faire face aux événements du quotidien dans un état de calme, de sérénité, de lucidité et de capacité psychique à avoir accès d'une manière continue au flot de l'énergie créatrice universelle. Ensuite, je vais bénir le fonctionnement adéquat de mes deux poumons. Je bénis la capacité de mes poumons de s'alimenter en oxygène et en énergie pranique qui sous-tend l'oxygène. Je bénis la capacité de mon aura, ma structure énergétique, de se nourrir des énergies qui proviennent de l'environnement, donc qui sont sous-entendues dans l'air, pour m'alimenter d'une manière adéquate. Je bénis ma capacité de mon aura d'absorber les énergies qui proviennent du soleil et qui sont hautes sur le plan vibratoire pour me permettre de connaître un état de renouvellement énergétique. Je bénis ensuite ma capacité d'émettre des biophotons qui vont participer à ce que mon corps rayonne de l'énergie vitalisante qui provient de sa nature biologique. Donc, que mon corps puisse rayonner de la lumière de mon être. Je bénis ensuite le fonctionnement adéquat de mes reins pour qu'ils soient capables de filtrer adéquatement les éléments que je mange, tout en bénissant ma conscience simultanément pour avoir accès à l'information spontanée et intuitive de qu'est-ce qui est bon pour moi, donc pour permettre un fonctionnement adéquat des reins, ainsi que de mes poumons, de mon corps, dans sa globalité, de mon cerveau aussi, dont il a été question précédemment. Donc, je bénis l'intelligence universelle pour qu'elle me donne accès à l'information requise en temps voulu, des éléments qui sont sains pour moi à absorber sur le plan alimentaire, tout en bénissant ma capacité de me nourrir de l'énergie cosmique, universelle, des énergies ambiantes, de me nourrir du prana, de me nourrir également des photons, et par la suite de me permettre d'avoir la capacité, en me nourrissant des photons, eh bien, de nourrir mon environnement de l'énergie qui va rayonner de moi, que ce soit par exemple ma résidence, pour qu'elle soit alimentée d'un champ d'énergie qui est propice à vivre dans un éther de beauté, donc une structure énergétique qui est propice à un état d'harmonisation de conscience pour moi et également des gens qui sont présents chez moi. Dans mon cas particulier, on parle d'un chat, mon animal de compagnie, pour qu'il soit béni et qu'il puisse bénéficier des biophotons qui peuvent émaner de mon corps biologique. Des biophotons qui sont constitués par ma conscience et ma volonté d'émettre de l'énergie. Donc, je peux recevoir des énergies de l'environnement et également en émettre, étant donné que l'univers est constitué d'énergie. Il y a de l'énergie en quantité infinie en dehors de mon corps biologique et également à l'intérieur de lui. Donc, je bénis ma capacité à me brancher au champ d'énergie global englobant qui sous-tend la nature de la réalité manifeste pour vivre dans un état d'abondance. Je bénis ma capacité à vivre de l'abondance de l'infini, de la richesse de l'univers, et de réaliser que l'énergie est partout abondante et elle est accessible partout car tous les endroits sont des points d'extériorisation où l'énergie peut être canalisée. Donc, la réalité sous-tend un système énergétique global avec différents niveaux de densité, que ce soit sur le plan physique, également aurique et ainsi de suite. Il y a plusieurs niveaux de couches énergétiques. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut accéder au tout à chacun des endroits qu'on a l'impression qu'ils sont localisés du tout, car ici, c'est partout et maintenant, c'est toujours, comme il a été déjà mentionné par un penseur. Donc, je continue. En plus de bénir mes reins, pour qu'ils donnent une filtration adéquate. Je bénis aussi mes intestins pour qu'ils aient un fonctionnement optimal. À présent, je visualise l'énergie rose qui est porteuse de la santé passer à travers ma bouche, ensuite descendre dans l'œsophage. Ensuite, je visualise cette énergie purificatrice, régénératrice des parois qu'elle traverse, se rendre dans mes reins. Ensuite, continuer son travail dans l'intestin et ensuite sortir par l'anus. Pour participer à la santé de tout ce circuit qui est mobilisé lorsque j'ingurgite des aliments et aussi des liquides. Ensuite, je bénis bien entendu mon organe sexuel pour qu'il me permette d'expérimenter des états orgasmiques qui vont agrémenter ma vie. Parce que de mettre sa perception dans quelque chose, eh bien, à travers la conscience, ça permet d'amplifier cette dernière. Ensuite, bien entendu, je bénis son fonctionnement adéquat pour, par exemple, eh bien, aller uriner, et ainsi de suite. Ensuite, je bénis le fonctionnement adéquat de mes cuisses, de mes jambes, pour mon déplacement, de mes pieds. Je visualise que ma conscience se balade en se dirigeant vers le bas de mon corps physique en partant du haut. Donc, je procède à un scan corporel où je suis attentif à la structure énergétique des différents organes et en ayant une intention de conscience d'harmonisation, donc d'utiliser ma volonté pour investir certains de mes organes d'énergie, tout en ayant une volonté d'être disponible à l'information que les organes peuvent m'acheminer, donc en étant présent à eux. Donc, d'un côté, je peux investir de présence certains organes, et si je ressens à un moment donné un trou énergétique qui se rapporte à un organe, ou qu'un organe qui a un fonctionnement qui manque d'ajustement, eh bien, je vais poser la question à l'être qui est plus moi-même que moi-même, en ce sens qu'il est moi dans ma globalité et multidimensionnalité, ici, maintenant et toujours. Si j'ai à faire quelque chose de concret dans mon quotidien pour apporter des réajustements, advenant le cas. Et puis là, je vais regarder si j'ai quelque chose à ajuster et je vais laisser émerger en moi l'information dans un état de disponibilité intérieure. Car fonctionner avec le système qu'est le corps biologique nécessite à la conscience d'être disponible aux signaux qui proviennent du corps biologique et en même temps, la conscience a à œuvrer pour convertir le corps biologique en lumière. Si elle le désire, dans l'optique que le corps biologique soit harmonisé à un état global porteur de vie, de paix, d'énergie et de beauté. D'ailleurs, ça me fait penser à bénir la santé parfaite de ma peau sur le plan physique, sa beauté et sa capacité à absorber l'énergie et à émettre l'énergie. Ensuite, je vais bénir des éléments à caractère psychologique. Donc, je vais bénir ma capacité d'analyse, ma capacité de faire des synthèses et plus particulièrement ma capacité de me concentrer aux besoins. Aussi, je veux bénir ma mémoire pour que ma mémoire soit capable de me donner accès dans l'instantanéité du moment présent à toute information pertinente et utile. Je bénis aussi ma capacité d'être créatif, de faire preuve de créativité, de me brancher en fait à l'énergie cosmique universelle pour que je sois capable de la canaliser et manifester ensuite des idées créatives qui vont être porteurs d'un renouvellement psychique, de beauté aussi. Je bénis ensuite ma capacité d'être heureux pour l'amplifier. Je me donne maintenant à percevoir le bonheur pour que cet autre être soit présent au cœur de mon quotidien. Je bénis ma capacité à vivre dans un état bienheureux chez moi, propice à un vécu de la simplicité d'un enfant qui joue, qui s'amuse, en ne voyant pas le temps passer, qui jouit de la vie. Je bénis ma capacité à m'émerveiller devant l'existence. Je bénis ma capacité à mettre de la beauté dans l'existence, tout en étant lucide. Ensuite, je vais bénir ma volonté pour qu'elle soit grandissante avec le temps. Plus spécifiquement, je vais bénir le lieu où je réside pour qu'il soit porteur d'une énergie vitalisatrice et je bénis plus particulièrement la chambre qui est le lieu où je dors pour que mon sommeil soit régénérateur et cela peu importe sa durée. J'exerce une fois de temps en temps des bénédictions spécifiques par rapport à certains éléments, comme là je vais le faire par rapport à ma capacité d'ajustement dans la spontanéité. Donc, je bénis ma capacité à faire face aux imprévus dans l'existence sans être déstabilisé par eux. Parce que dans le passé, j'avais tendance à être déstabilisé par des situations imprévues. Et là, j'apprends et je me donne à vivre une capacité plus grande d'adaptation. Donc, je bénis ma capacité adaptative croissante par rapport à un environnement changeant. Ensuite, je bénis ma capacité à avoir accès à des énergies de renouvellement, à des nouvelles énergies qui me dynamisent, qui me permettent de sortir de la monotonie, de la routine, qui me permettent de goûter à une vibration qui est libre de la forme. Je bénis ma capacité à me brancher psychiquement à des énergies de renouvellement qui concourt à entretenir mon taux vibratoire et à la rehausser. Sinon, je bénis ma capacité à entretenir le logement où je vis dans la propreté, autant au niveau de sa dimension physique que psychique. Je bénis mon hygiène psychique, ma capacité croissante de discernement pour séparer le subtil de l'épais, ma capacité, par exemple, de sélectionner lorsque je vais sur le web des enregistrements spontanément que je vais écouter et qui vont participer à consolider mon être, participer à nourrir ma vibration, mon énergie, ma créativité, mon bonheur. Je bénis ma capacité à être en interface psychique avec des êtres qui ont la volonté d'être bien dans leur peau, d'être heureux, d'utiliser leur volonté pour générer de la beauté, de l'intelligence et également un monde plus harmonisé au réel de leur être. Ensuite, je vais bénir plus spécifiquement ma capacité de consolidation de la beauté en moi, dans le lieu où je vis. Ensuite, de consolider ma forme physique, mon intelligence, ma capacité de me maintenir dans le maintenant, qui peut être un présent si on le sait, le savourer avec conscience. Ensuite, je bénis ma capacité à entretenir un dialogue qui est sain avec l'esprit universel, cette conscience, de manière à être capable de bénéficier des informations qui s'y rapportent, qui cherchent à circuler à travers moi, de manière à favoriser ma santé. Donc, je bénis mon ouverture d'esprit, ma disponibilité à effectuer les ajustements requis dans mon quotidien pour célébrer davantage la vie, augmenter ma vitalité, mon bonheur. Et en terminant, je vais bénir ma capacité de bénir pour qu'elle soit toujours grandissante avec le temps et qu'elle me permette d'approfondir ma capacité à utiliser ma volonté de manière à générer ce qui me favorise dans la vie et que ce soit de plus en plus actif dans l'existence. Sinon, bien entendu, je remercie tous les gens qui ont été présents à cette activité de bénédiction. Cette activité s'est déroulée à un moment donné où j'ai produit un enregistrement. Mais comme hier, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, aujourd'hui, c'est maintenant, et que demain, ça sera encore maintenant, et qu'il n'y a fondamentalement dans l'univers qu'un maintenant universel, eh bien, ça veut dire que vous pouvez toujours vous brancher au moment présent où a été émise cette série de bénédictions de par ma conscience et qui ont été traduites à travers la parole. Donc, c'est la beauté de l'enregistrement, c'est que l'enregistrement peut être écouté dans 2 jours, dans 2 ans, dans 20 ans, et toujours être porteuse de cette vibration que vous pouvez intercepter et vous pouvez vous brancher à l'énergie qui est véhiculée dans le cadre de l'enregistrement de générer des bénédictions sur différents éléments. C'est sûr qu'on peut toujours en rajouter d'autres, comme par exemple, il y a des gens qui peuvent, s'ils le désirent, bénir leur famille pour que les résultats, c'est-à-dire les relations avec eux soient harmonisées, bénir aussi les rapports avec les collègues de travail pour qu'ils soient agréables lorsqu'ils sont en interaction avec eux. Ensuite, bénir les rapports avec les amis pour que les amis soient de réels amis et bénir la capacité de rencontrer au moment requis les amis de sa vibration, c'est les alliés psychiques dans nos vies qui vont participer à consolider notre taux vibratoire, à nous amener les prises de conscience requises pour qu'on puisse se maintenir dans un état énergétique qui est propice à la santé et la lucidité. En terminant, et là ça va être vrai parce que j'ai dit tantôt en terminant et je rajoute des choses, c'est sûr qu'on peut bénir si on a un animal de compagnie pour favoriser aussi sa santé. Parce qu'on peut interagir avec lui Et lui, il peut interagir avec nous. Ça va dans les deux sens. Donc, voilà le point sur lequel je voulais vous amener. Et je vous remercie de votre écoute de cette session particulière de bénédiction pour le mois d'octobre de l'année 2021. À bientôt.